fais ça, fais ça. Lève ton mouchoir, lève ton mouchoir. Tu peux donner alors à ton voisin. Dis à quelqu'un autour de toi, à chacun son miracle. À chacun son miracle. À chacun sa bénédiction. Je sais en qui j'ai cru. Il est le roi des rois. Você é cunha, brindade. Você é cunha.